dire que mes rimes ont rapport. Je pose mes rimes trop hardcore. Je cause des crimes qu'on perd l'abord. Tu t'estimes, je m'adore. Ténébreux comme Dark Vador. Je fais de l'escrime sur ton corps. J'ai croyant pris encore. Fous ta gerbe dans le port. Comme les brutes du détérior. Je suis un raptor, j'ai les crocs. Un rap gore de nécrophile. On t'égorge des terreaux. Qui jette dans les rails du métro. Tire ton rail sur mon sel. Livre ma grosse queue de T-Rex. Frotte mes couilles comme un silex. Mon flan sortira du tipex. Mais t'assèche-moi la grappe. Et pompe ton ex. Darkness du pur rap sans complexe. Astique tabou sur mon cul. Ta langue de pute me sert de spontex. Tu crèves de jalousie parce que tu peux pas le faire. T'es qu'un attardé. Tu passes ton temps à critiquer les autres. Tu mérites d'être canardé. T'aimerais bien être à notre place, mais t'es qu'une pauvre qui n'a pas sa place. Sache que si le rap prend la fuite, je me transformerai en plombier. Je suis comme un mafieux qui prend une cuite avant de passer au plan B. Jaloux, j'ai pas besoin d'être un dentiste pour pouvoir te plomber. Crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie. Tu peux pas lutter. J'ai plus de style que toi, plus de rimes que toi. Vas-y, file de là. Tu peux pas, non. Une meilleure prise de voix. Quand je t'écoute blaireau, j'ai une crise de foi. Tu peux pas lutter. J'suis buté, t'es qu'une pute à buter. J'ai mon but amputé. Tu peux pas, non. Tu peux pas. Tu passes ta vie à tromper. Ton rap, tu l'as pompé. Tu peux pas lutter. J'ai le talent, t'as les bifetons. J'vais de l'avant, t'as le piston. Tu peux pas lutter. Tu m'arrives pas à la cheville. J'suis en première classe, t'es au chenille. Tu peux pas lutter. Yo, j'ai trop la dégaine. Et toi, t'as un swag de l'été PM. Casanier, j'me tue au Casanis. J'suis un Casanus ou cannabis. J'suis un cas de plus dans la matrice. MC, j'te propose un régime anarchiste. Boum, j'te bim, badafiste. Tu peux pas lutter. Tu peux pas. J'ai trop de flow, trop de face. T'es qu'un faux à la base. Après mon passage, tu te caches. Tu veux pas être ridicule si tu clashes. Vaut mieux pas. Ce que tu prétends être, c'est bête. Tu le faut pas. J'suis en tête, tu cumules les défaites. C'est comme ça. Crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie. Crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie, crève de jalousie.